Thank you. Ligne, avec des outils avancés pour accompagner votre croissance et piloter votre activité. C'est le choix qu'a fait En Garde, une marque de chaussures engagée et circulaire. Shopify est aujourd'hui la plateforme la plus simple et la plus évidente pour développer une marque. Avec la plateforme e-commerce tout en un de Shopify, gérez au même endroit vos produits, vos commandes et votre stock. Comme les petites jupes de prune, une marque de vêtements made in France. Shopify me permet de me concentrer sur ce que je fais de mieux, c'est-à-dire des vêtements. Trouvez de nouveaux clients et augmentez vos ventes grâce à l'intégration avec les canaux de vente comme les réseaux sociaux et les places de marché. À partir du moment... Thank you.